418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, comme à l'habitude, plein de bonne musique en téléchargement gratuit. Donc, on va faire un petit tour de la planète avec toutes sortes de musiques d'un peu partout. Cette semaine, une émission quand même assez mollo, un peu comme la pluie ce soir. Donc, on va s'installer confortablement, une bonne heure de bonne musique. On va débuter avec un artiste qui a circulé pas mal. Il est né aux États-Unis, il est élevé en Suisse, est passé par le Brésil, le Portugal, donc toutes sortes d'influences différentes. C'est Airtai, je vous fais entendre sa pièce Iberia. C'est un peu de techno minimal vraiment intéressant. Ensuite de ça, découvert aujourd'hui sur SoundCloud, Bored Lord, je vous fais entendre sa pièce Ceremonially. Vous allez voir, vraiment surprenant. Donc, c'est ça, on débute Web Music avec Airtai. Découverte dans mon cas, donc c'était Bored Lord avec sa pièce Ceremonially. C'est un artiste qui nous vient de la ville de Memphis aux États-Unis. Avant ça, ben Web Music avait débuté avec Air Tie avec la pièce Iberia, donc un peu de techno minimal pour débuter l'émission. Si vous appréciez les pièces entendues, donc vous faites toutes les télécharger de façon gratuite et légale, vous avez juste à vous rendre sur le blog de Web Music, c'est au www.webmusic.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. On va poursuivre cette fois-ci avec un artiste visuel, un artiste qui fait de la musique, qui fait toutes sortes de trucs, c'est un producteur aussi, c'est Black Daylight. Je vais entendre sa pièce « Don't get your style pushed back ». Ensuite de ça, de l'Ukraine, c'est Alex Vandoff. On va entendre sa pièce « Scatter ». Si jamais vous voulez me contacter durant l'émission, vous avez des suggestions, des commentaires, vous pouvez toujours m'appeler au 640-1586. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, on écoute tout de suite « Black Daylight » à Web Music. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL 89,1. On entendait un artiste de l'Ukraine, donc Alex Vandoff, avec sa pièce Scatter. C'était précédé par un artiste de Chicago du nom de Black Daylight avec sa pièce Don't Get Your Style Pushed Back. On poursuit avec Jonah Dempsey, qui évolue aussi sous le nom de Revolution Void. C'est un artiste basé à Seattle. Je vous fais entendre sa pièce A Difficult Subject. Vous allez voir, vraiment excellent. posséder une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % à chaque fois que vous faites un achat au Poble d'Orsay au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Maintenant, à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Dans un cirque, il peut y avoir des gladiateurs et il peut y avoir des clowns aussi. Puis c'est un petit peu pour ça que je compare ça à un cirque. Puis il y a des gens tout le tour qui te regardent, puis t'es au centre. J'ai déjà un moi, je veux pas être un autre. Je veux être tout entier, pas la moitié d'un autre. Jamil évoque son dernier cirque à Sentier Secret, mardi 8 octobre à 10h. La moitié d'un camembert, c'est la misère. La moitié d'une baguette, moi je mange les miettes. La moitié d'un français, c'est toujours aussi chiant. Mais avec une moitié de chance, c'est un peu charmant. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeu, musique, un événement hors du commun. De retour à Web Music, on aborde la deuxième demi-heure de l'émission. Donc, tout juste avant la pause, on entendait Jonah Dempsey, qu'on peut connaître aussi sous le nom de Revolution Void. C'est un artiste basé à Seattle. C'était sa pièce A Difficult Subject. On poursuit avec 813, un artiste que j'apprécie énormément. Beaucoup de pièces donc de disponibles gratuitement de cet artiste-là. Il publie vraiment donc prolifique de ce temps-ci. Je vous fais entendre sa pièce Astral Baby. C'est publié sur l'étiquette Fuse Lab. C'est tiré de la compilation Rejumble que je vous recommande chaudement. Tout de suite après 813, on va entendre Genova 7 avec sa pièce Slum Ballerina. C'est sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. Donc, ça veut dire un peu de trip-hop. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute tout de suite 813. waiting. They're waiting for you. De la ville de Boston, donc c'était Genova 7 avec sa pièce Slum Ballerina. C'était sur l'excellente étiquette Dusted Wax Kingdom. Avant ça, c'était 813 avec sa pièce Astral Baby. C'était publié ça sur l'étiquette Fuse Lab. On poursuit avec un artiste vraiment étrange du nom de HVAD. Je vous fais entendre sa pièce Hey Lollipop. Si vous voulez voir qu'est-ce que cet artiste fait, donc il fait beaucoup de vidéos, une présence en ligne quand même assez substantielle. Allez voir donc la page de HVAD pour aller voir tout ça. Vous pouvez vous rendre sur le blog de Webmusic, c'est au www.webmusic.ca. Donc c'est ça, après HVAD, on va entendre Nano Cult avec la pièce Fragments of the Soul. Vous allez voir deux pièces excellentes. On écoute ça à Webmusic. Thank you. like it. I like it. आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन किची किची लाइसेंस ब्रिंग या हर पल हर सांस हर धड़कन Now change. de la ville de Moscou en Russie. Donc, c'était Nanocult. Puis la douce voix qu'on entendait, c'était Rashmi Kapoor, donc de l'Inde. C'était la pièce Fragments of the Soul. Avant ça, ben, c'était HVAD avec sa pièce Hey Lollipop. On poursuit avec BF Project. J'ai absolument aucune information sur l'artiste. Ça vient de l'étiquette YOCH, Y-O-C-H. Une étiquette quand même assez jeune, donc pas beaucoup d'informations. Ils ont peut-être 5 albums de publier sur l'étiquette. Vraiment la bonne musique, mais je pense qu'ils font mal leur mise en marché, si on veut. Je vous fais entendre la pièce Under the Mask. On écoute ça tout de suite à Web Music. Ce bordel provenait de BF Project. La pièce s'intitule Under the Mask. Ça va déjà être tout, malheureusement, pour Web Musique. Merci d'avoir été à l'écoute. Ça fait toujours plaisir d'être entre vos deux oreilles. Donc, on va se quitter sur une dernière pièce de Ventolin and Beckettide. La pièce s'intitule Our Upward Shimmer Out. Ça nous vient de l'Irlande, un album vraiment planant, un peu cosmique sur les bords. Donc, vous allez voir. Tout de suite après, restez à l'écoute. C'est Cabaret Diaspora avec Jean-Baptiste Hervé. Donc, restez à l'écoute de CKRL. Encore plein de bonne musique à l'antenne ce soir. Donc, on se quitte avec Ventolin et Beckettide, puis on se donne un rendez-vous à compter de 20h pour notre émission de Web Musique.